Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une excellente série. Le joueur de football Flash Gordon et la belle Dell Arden se retrouvent au cœur d'une expérience menée par le scientifique fou le docteur Zarkov. Ils sont transportés sur la planète Mongo, gouvernée d'une main de fer par le terrifiant Ming, un tyran sans pitié et sanguinaire. Flash, Dell et le docteur Zarkov vont rapidement s'allier avec la résistance de la planète pour renverser Ming et ramener la paix sur la planète Mongo. Mon père est mort. Son corps n'a jamais été retrouvé. Votre père a disparu dans une faille transdimensionnelle. Et de l'autre côté, je dois essayer de le retrouver. Mais enfin, c'est du suicide. On vient de la planète Terre. Bienvenue sur Mongo. De nouvelles failles se sont ouvertes. Et il y a ces choses qui ont commencé à débarquer. Tout ce qui nous reste à faire, c'est sauver l'univers. Ça devrait pas être trop dur. Flash Gordon, de l'action, des effets spéciaux époustouflants et de l'humour, un coffret 6 DVD, un super cadeau pour Noël, signé Buena Vista.